Chers amis, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. J'ai le grand honneur de remettre au nom de la ville d'Évry à Koba le disque d'or dans ce magnifique bâtiment 7. Tarde. N'oubliez pas que l'entrée est payante, elle est de 5 euros. Voilà. Ouais. Le disque d'or, il est là, là. Il est dans le bas de 7, il est dans le 50K aussi. Ouais. Du bif avant d'en avoir la vie, mamie des bars. M'a montré que les plus grands bleus, c'est qu'à plus force faisait des poupards, des poux. Avant de parler de la rue, faut y être. Gérer la pression, calmer la boule au ventre. Avoir des principes, des valeurs enculées. Et ne pas laisser tomber à terre tes couilles. Quand je suis mort fondé, je réfléchis, je cogite. Et je constate que depuis que j'ai percé, j'ai des nouveaux inconnus, nouveaux amis. Pourtant, j'ai dormi tout ça seul dans la nuit. J'barreau des solos dans le centre-ville. Quand c'était la fermeture du rinté, j'allais planquer dans le garage à côté. J'avais caché le cul haut de volet. Des fois, je devais y passer la nuit. Maman m'ouvrait plus la porte après minuit. Et quand ils ont soulevé la caisse, j'ai été contraint d'aller dormir chez deux spies. Mais Dieu merci, c'est beaucoup mieux depuis que je vis la vie d'artiste. J'ai fait le tour de France en piano et tout a commencé dans le bas de 7. Ça y est, le disque d'or est dans le bas de 7. Ça y est, le disque d'or est dans le bas de 7. Ça y est, le disque d'or est dans le bas de 7. Ça y est, le disque d'or est dans le bas de 7. De passer de chouf-chouf. La même geste, tu es que chiffre kiff. Et quand j'ai coupé le flair, on se kiffe. Le plus important, c'est d'être actif. Essayer d'éviter un max de top. Et à deux doigts que les keufs chouf. Je sais quoi de passer à côté du ferme. Mais ça, c'était avant sa mère. De qui dans le coffre, rien jamais chiant. Dans le box en saison d'hiver, je me calais tout près du radiateur. Et quand le speed n'était pas là, me devait des tout détails à sa place. Par quelques transacts à sa place. Et j'en faisais plus que j'ai gonflé ma pièce. J'ai disque d'or, maman regarde. Billet violet va essuyer tes larmes. Non, c'est plus mal le fardeau de la famille. Je fais rentrer beaucoup plus d'argent que papa. Le disque d'or en amont. Pas besoin d'aller au four, guette la S. Toute la journée à la tête. Et je récupère tout ce que je dépense en showcase. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est, le disque d'or est dans le bassin. Ça y est. La grinta, on a commencé à 3, mon pote. Hey.